Moi, mes enfants sont grands, donc mon mari se débrouille. Je l'appelle tous les soirs. J'avais préparé à manger, il a juste à ouvrir la porte du frigo, à mettre dans le micro-ondes, et du fait qu'on n'a pas d'enfants en bas âge, ça se passe pas mal. Oui, c'était plus retenu. Ça vient peut-être du fait qu'on ne sait plus trop où on en est, parce que ça prend des proportions. Tout ce qui se passe autour, on n'est pas habitué. Il y avait de l'émulation, de la volonté collective. Tout le monde voulait gagner, tout le monde voulait participer. Ils veulent aller jusqu'au bout. Ça a été une lutte heureuse. On a trouvé un accord. Assemblée générale à 9h. On a levé du blocus aujourd'hui. Décembre 2011, le 26 octobre dernier, la direction du fabricant de lingerie annonçait en effet aux salariés que les actionnaires du groupe refusaient désormais de mettre 1 euro de plus dans le jet et que l'entreprise serait mise en redressement judiciaire le lendemain. Et les sous-traitants étrangers, le 27, le tribunal de commerce de Lyon a laissé un mois à le jet pour trouver un repreneur. Un délai qui paraît quand est arrivé le chronomètre, c'était la panique. Même 1997, les salariés de Léjabi ont suivi mercredi à 80% un mouvement de grève pour protester contre des propositions d'augmentation de salaire jugées insuffisantes. Les 335 salariés de Léjabi subissent un nouveau mois de chômage partiel et s'inquiètent pour l'avenir de leur entreprise. Janvier 2012, les employés du Saint-Jean, au nombre de 80 tests, 13 dont 90 femmes ont prévu d'occuper les mercredi soir. 10 salariés ont menacé d'entamer une grève de la faim à partir de jeudi matin pour dénoncer la délocalisation de la production. Les filles veulent aller jusqu'au bout, a assuré la CGT. Ici, la rage de Léjabi. Ici, la colère de Léjabi. Ici, Léjabi se bat. Ici, le combat de Léjabi. Gabrielle Viennet travaille dans l'entreprise de lingerie F. Gauthier et compagnie comme cousette. Dans les années 1930, lorsque cette entreprise décide de migrer à Bourg-en-Bresse, Gabrielle Viennet décide de fonder sa propre marque, aidée de son beau-frère Marcel Blanchard, homme d'affaires, pour la création de l'entreprise. Et fabrique les premiers soutiens-gorge à Bellegarde-sur-Valserine dans l'arrière-salle du cinéma des variétés, tenue par la sœur Marguerite Blanchard, nommée à l'origine la Gabi. L'entreprise s'internationalise et à l'aide de ses 1200 salariés devient dans les années 1980 un des leaders mondiaux du secteur. À la mort de Maurice Bugnon en 1996, la fabrication est déjà en partie délocalisée en Tunisie depuis 4 ans. La famille vend l'affaire à un fonds de pension américain qui la gère de loin, ferme 4 usines et délocalise presque toute la production en 2008. Warminco ferme 4 des 8 sites et supprime 250 emplois. Une partie de la production est sous-traitée et délocalisée vers le Maghreb. 2008, un groupe de lingerie autrichien rachète Léjabi. 2010, les usines de production de Bellegarde-sur-Valserine, Bourg-en-Bresse et Leteil sont fermées et 197 ouvrières licenciées. 2012, à l'issue d'une longue occupation du siège par les ouvrières, les repreneurs conservent au moins la moitié des 450 derniers salariés. 7 millions d'euros. 450. 7 millions d'euros. 450. 7 millions d'euros. Coup de revient. Coup de revient. Accompagné d'un plan social. Accompagné d'un plan social. Licenciement. Licenciement. 197 personnes sur un effectif total de 653. 197 133 licenciements sur 326. En licenciant 197 personnes. En licenciant. Pérennité financière. 7 millions. Coup de revient. Dégager du cash. Coup de revient. Dégager du cash. Coup de revient. Dégager du cash. Coup de revient. Dégager du cash. Accompagné d'un plan social. Accompagné d'un plan social. 500 millions d'euros. Conservé en 93%. 7 millions d'euros. 450 salariés. 450 salariés. Monsieur le Président, nous avons décidé, nous, les 93 salariés de l'entreprise Léjabi à Yssingeau en Haute-Loire, de nous adresser à vous pour vous faire part de notre indignation. Nous allons recevoir toutes et tous nos lettres de licenciement après des dizaines d'années de travail au rendement pour des salaires voisins du SMIC. Nous sommes victimes des délocalisations des productions et de la recherche permanente de la baisse de la rémunération du travail. Pour nous, le licenciement signifie non seulement la précarisation et l'angoisse, mais aussi la marche inexorable vers les minima sociaux. Et nous avons bien conscience que nous ne sommes pas les seuls. Notre situation est semblable à des centaines de milliers de nos compatriotes. Nous ne l'acceptons pas pour nous, nos familles et notre territoire. Nous refusons cette perspective qui conduit toujours plus de chômage et toujours moins de salaire. Nous refusons les licenciements et voulons continuer à gagner notre vie en travaillant. Pour cela, nous demandons le redémarrage de notre atelier et la réindustrialisation du site. Beaucoup d'entre nous ont plus de 35 ans d'ancienneté. Nous préférons être pré-retraités plutôt que chômeurs ou percevoir le RSA. Nous demandons donc la mise en place d'une pré-retraite à 55 ans, surtout à un moment où notre jeunesse est sans emploi. Après une vie de travail, le chômage, c'est la précarité. Au lieu de primes de licenciement dérisoires, nous voulons une prime de licenciement à la hauteur de la prime précarité, soit 10% de nos salaires travaillés. Unis et solidaires, nous attendons des réponses concrètes, pas des promesses ni des discours. Nous resterons mobilisés jusqu'à la réponse à ces exigences. Notre détermination est à la hauteur de notre colère contre l'injustice qui nous est faite. Et c'est un devoir de s'opposer à l'injustice. En espérant être entendu, recevez nos salutations respectueuses. On nous fait une lettre et on entend déjà la révolte qui gronde. On s'est fait berner pour nous chronométrer et nous stresser. Avant le jugement, on vient au tribunal. Pendant des années, ça a duré. Si vous en travaillez, un jour vous le regretterez. De laisser tomber les Français. Oh, oh, oh, on s'est fait berner. Oh, oh, oh, nous avons tant travaillé. Un jour vous le regretterez. Aujourd'hui, on est tous là. Oh, oh, oh, on s'est fait berner. Ensemble, on va gagner. Aujourd'hui, on est tous là. La France, c'est tout pourri ici. On est tous là, car on se bat pour nos emplois. On ne veut pas bien au tribunal et surtout pas souffrir. Le Jabi Saint-Jo, notre lutte a payé. Suite au dépôt de bilan en octobre, la liquidation de l'entreprise en décembre et le jugement du tribunal de commerce du 18 janvier, le désespoir, la tristesse et l'angoisse cèdent la place ce 1er février à l'espoir et à la joie. Depuis le 16 janvier, nous nous sommes mobilisés et unis comme jamais pour défendre nos emplois. L'envie de relever refuser la tête les licenciements et de refuser et la délocalisation. Nous voulons vivre en travaillant et refuser de sombrer dans le chômage qui mène à la misère. Cette lutte fraternelle et déterminée a bénéficié d'un soutien exceptionnel. Elles ont des doigts de fée et leur histoire a vraiment tout du compte. J'envoie des CV partout, mais bon, notre lutte est un encouragement à toutes les luttes. On avait la tête dans le guidon, on faisait. Le manque de travail est pénalisant pour les femmes. Mais c'est du gâchis, voilà. On y croyait, on espérait, on a été trompés parce qu'on n'a pas été soutenus. Ça n'a pas été facile. Il a fallu apprendre un nouveau métier. Dans notre pays, les banques sont plus fortes que la République. Les éclats de voix rythment la journée. On avait la tête dans le guidon. On faisait. Toujours plus d'heures, toujours plus de commandes. On s'appelle tous les soirs pendant 1h, 1h30, 2h. Je suis heureuse avec le bruit de la machine et la dentelle qui glisse sous mes doigts. Moi, je suis heureuse avec le bruit de la machine et la dentelle qui glisse sous mes doigts.